Merci beaucoup Emmanuel, merci pour cette invitation. Très content de pouvoir un peu parler de droit, mais de manière un peu plus peut-être audible aussi pour un public qui n'est pas forcément spécialiste du droit. Je suis très content de participer à un séminaire. SHS et Santé publique, parce qu'effectivement on met en œuvre aussi des expériences de ce type-là à Bordeaux, et d'essayer de travailler entre disciplines sociales et de santé. Sur les questions de santé, santé au travail, mais aussi sur vieillissement, santé des jeunes, usage des médicaments, etc. Donc c'est très intéressant de voir aussi qu'il y a d'autres expériences qui se font, que ça peut fonctionner malgré parfois des frontières qui sont difficiles à franchir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la problématique de la définition juridique des risques psychosociaux au travail. Je suis juriste, mais il ne s'agit pas de décrire quel est le régime juridique des risques psychosociaux. C'est plutôt de vous expliquer pourquoi ce terme, cette terminologie, cette notion, ce concept nous pose problème pour nous, juristes. Juristes français d'abord, mais ça pose aussi problème pour d'autres états ou systèmes nationaux, et parce que en fait ce terme des risques psychosociaux, on ne le retrouve pas en droit, ça ne représente pas une catégorie juridique. Alors comment les saisir, parce que c'est cette question là au fond aussi, après avoir dégrossi les questions de définition juridique et de son rapport aux risques psychosociaux, du rapport des risques psychosociaux à la définition juridique, ça implique aussi la manière dont on va saisir ces questions là en droit. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Alors j'ai un peu de temps, 45 minutes, donc je vais pouvoir prendre le temps sans trop me presser pour développer ces questions, et en même temps vous aurez un support PowerPoint qui sera assez fourni là-dessus. Pendant très longtemps, jusqu'aux années 2002, on en parlera tout à l'heure, bien, le droit ne prenait véritablement en compte dans sa pratique que la santé physique. La santé physique qui occupait une place prépondérante. C'est-à-dire que la santé au travail devait être protégée dans un sens global, dans un sens qui respecte le volet physique, le volet mental, mais dans la pratique, les risques les plus faciles à objectiver et à appréhender étaient les risques d'ordre physique. Mais le milieu du travail a évolué, je ne vais pas forcément revenir dessus. Nous avons de nouveaux facteurs de risque qui ont fait leur apparition, qui impactent davantage la santé mentale des travailleurs. Nous avons de nouvelles formes d'organisation du travail et également la crise économique qui est passée par là et qui met les entreprises, la fonction publique, devant un mouvement de restructuration, devant une réduction des marges de manœuvre, et devant une réduction des moyens humains et financiers. Et finalement, c'est comme ça que je conclue cette diapositive, si la souffrance du corps était au cœur de la naissance du droit du travail au XIXe siècle, maintenant la souffrance de l'esprit, la santé, les problèmes de santé mentale liés au travail sont susceptibles d'être au cœur aussi de la poursuite des développements du droit du travail au XXIe siècle. Les risques psychosociaux représentent une réalité sociale. Ils répondent à une demande sociale, si je reprends les termes de Michel Golac. Mais pour autant, s'ils représentent une réalité, eh bien le droit doit s'en saisir. Il ne peut pas rester à côté d'un tel phénomène, ou n'importe quel phénomène social, sans l'appréhender à un moment ou à un autre. À quoi sert le droit? Ça sert aussi à, certes, donner un encadrement, des règles, des normes, mais aussi à saisir des phénomènes sociaux, à les travailler, et également à donner des limites. Donc le droit a son importance à jouer dans le développement d'un certain nombre de faits de société ou de nouveaux risques. Et le droit est confronté à ces risques pour la santé mentale, physiques et sociales, qui sont engendrées par l'interaction de facteurs socio-économiques avec le psychisme des travailleurs, si on reprend la définition du collège d'expertise sur le suivi des risques psychosociaux. Et en même temps, ces risques psychosociaux sont rentrés dans le langage courant. C'est qu'au-delà d'une reconnaissance ou de travaux scientifiques sur la question, on parle beaucoup de risques psychosociaux, on dit beaucoup de choses autour des risques psychosociaux, et il est parfois difficile d'y voir clair du côté du travailleur. Est-ce que les conditions de travail ont réellement changé ou pas? Est-ce que les conditions de travail dans lesquelles je suis sont une véritable évolution au détriment de ma santé, ou alors on est toujours dans des conditions de travail comme auparavant, mais qui ont évolué au regard de la représentation que nous en faisons? Et là-dessus aussi, le droit, à travers la loi peut-être, mais aussi à travers le rôle du juge, a un rôle à jouer. Et enfin, le travail peut être ou est aussi un vecteur de plaisir et de santé, mais à condition que les travailleurs puissent se reconnaître dans leur travail, que leur capacité de défense psychologique ne soit pas dépassée, si je reprends de célèbres approches dont on a parlé tout à l'heure, comment le droit peut aussi amener à garantir le fait que le travail est un vecteur de reconnaissance, est un vecteur de représentation dans la société, et est un vecteur de dignité. Alors, je vais peut-être passer assez vite sur ces diapositives, parce que vous en avez peut-être parlé ce matin. Les risques psychosociaux sont une préoccupation économique et sociale, donc le droit aussi doit s'en saisir pour y faire face. J'aurais pris des chiffres classiques de l'OCDE qui s'inquiète de la précarisation croissante des emplois, l'augmentation des pressions du travail, d'un risque d'aggravation des problèmes de santé mentale dans les années à venir, etc. Quelques chiffres de l'agence de Bilbao. La Commission européenne aussi avait estimé que le coût annuel du stress et du travail dans l'Union avoisinait les 15 à 20 milliards d'euros. L'INRS également avait estimé à un moment donné que le coût était entre 2 et 3 milliards d'euros par an en France, en comptant les coûts directs et les coûts indirects. Et la Fondation de Dublin s'inquiète de la précarité de l'emploi croissante également. Moins de choix pour les travailleurs, le gel des salaires, la réduction de personnel, l'intensification du travail, la détérioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'augmentation du stress au travail, le risque accru du harcèlement. Je vous renvoie aussi aux travaux de l'ADARES sur les risques psychosociaux du point de vue statistique. Les risques psychosociaux sont également une préoccupation politique. Ils entrent véritablement dans la littérature à partir de 2006. Et au-delà, ils sont devenus une préoccupation politique quand le politique a commandé des rapports sur les risques psychosociaux, alors à travers le rapport Nas et Légeron, à travers aussi le plan d'urgence de lutte contre les risques psychosociaux du 9 octobre 2009, la création d'une cellule risques psychosociaux au sein de la Direction générale du travail, qui maintenant, je crois, ce n'est plus qu'une personne, elle n'est plus forcément aussi importante qu'avant, même si ça n'a jamais été un monopole, mais le rapport de la commission de réflexion UMP Nouveau Centre, qui a été co-présidé par Jean-François Copé et Pierre Méhignerie sur la souffrance au travail. Donc, vous voyez, là, le politique s'est investi de ces questions-là. Assez bizarrement, d'ailleurs, les politiques ne sont pas de gauche. Une mission d'information du Sénat sur le mal-être au travail. Le rapport Lachmann-Larose-Pénicaud, qui a été commandé également, vise 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail. Le rapport du collège d'expertise, une résolution du Sénat pour favoriser la reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de rapports et beaucoup de travaux qui émanent d'une volonté politique de s'inquiéter des risques psychosociaux à un moment donné. Les risques psychosociaux sont aussi une préoccupation qui est objet du dialogue social. Le niveau européen a déclenché beaucoup de choses à travers deux accords cadres. Un accord cadre sur le stress au travail en 2004 et un accord cadre sur le harcèlement et la violence au travail en 2007. Et c'est un moment très important parce que ces accords cadres ont été transposés à l'intérieur des États membres. C'est-à-dire qu'à travers la transposition de ces accords cadres, un certain nombre d'États membres, notamment du sud de l'Europe, se sont beaucoup plus officiellement inquiétés des questions de stress au travail. Que l'accord emblématique, c'est vraiment celui sur le stress au travail. Et à travers les travaux de négociation pour transposer en droit interne les questions de stress au travail, le politique et les syndicats ont vraiment essayé de prendre un bras-le-corps. En tout cas, il y a une prise de conscience de l'importance des difficultés liées au stress au travail à partir de l'introsposition de l'accord cadre sur le stress au travail. Et ils ont un peu pu dérouler la pelote jusqu'à s'inquiéter des questions de risques psychosociaux. Mais après, il y a la question de négocier, de transposer, d'obtenir un accord national, hein, par exemple interprofessionnel, et de l'appliquer, qu'il soit effectif, que les acteurs sociaux se l'approprient, etc., etc. Mais ça, c'est une autre question, donc je ne vais pas en parler ici. Enfin, en France, nous avons eu la transposition des accords cadres dont je viens de parler, mais aussi le plan d'urgence de 2009 sur les risques psychosociaux qui a très fortement incité les entreprises à négocier sur la question. L'accord sur la santé et la qualité de vie au travail, l'accord sur les risques psychosociaux dans la fonction publique. Et c'est vrai qu'en 2009, à travers le plan d'urgence, il y a eu beaucoup d'accords sur le stress au travail et les risques psychosociaux qui se sont développés dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Après, la question était de savoir, est-ce que c'est une réponse formelle à une incitation de négocier, ou est-ce que ça va au-delà de la négociation d'accords sur le stress ou les risques psychosociaux? C'est une autre question aussi. Les risques psychosociaux sont reconnus comme un des principaux sujets de préoccupation pour la santé des travailleurs. C'est là où on commence aussi à saisir les difficultés pour le droit. Les risques psychosociaux sont une réalité, certes, mais une réalité complexe, qui représente aussi des situations multifactorielles, qui abordent des questions d'organisation du travail, d'évolution du travail, de mise en œuvre des organisations. Et pour le droit, les risques psychosociaux se distinguent d'autres risques liés au travail parce qu'ils sont plutôt subjectifs. C'est-à-dire qu'ils ne s'appréhendent pas de la même manière que des risques chimiques, des risques physiques. Par exemple, un risque très simple sur les problèmes d'audition. Quand vous avez du bruit qui atteint un certain nombre de décibels, on sonne l'alerte. Attention, il faut réduire le risque tout de suite, sous peine d'avoir des problèmes d'audition chez les travailleurs ensuite. Les risques psychosociaux, c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, à travers le droit, on approche les risques psychosociaux à travers des questions de réparation, donc une fois que le risque s'est réalisé. On n'est pas dans la prévention. Par ailleurs, j'anticipe un petit peu les diapositives suivantes. Le juriste et le droit, pour appliquer un régime juridique adapté ou particulier ou spécifique à une situation, il a besoin d'objectiver. Et quand on est dans des situations d'ordre psychosocial, il est difficile de les objectiver et de les objectiver de telle manière qu'on puisse leur appliquer un régime juridique propre ou adapté. Ça, c'est une grande question et on y reviendra tout à l'heure, sans compter aussi au fait que dans ces subjectivités, là, il y a le rapport subjectif de la personne à son milieu de travail, au collectif. Chacun ne réagit pas de la même manière à une situation de stress, à une situation de conflit, etc. Donc comment le droit peut se situer là-dessus? Comment peut-il reconnaître des conditions normales de travail, reconnaître des conditions pathogènes? Et ça renvoie encore à autre chose. Ça renvoie aux compétences du juge. Le juge, il n'est pas psychologue, il n'est pas psychiatre, il n'est pas médecin du travail. Il doit être capable de s'approprier des expertises pour être en mesure de rendre un jugement conforme à la situation réelle dans le travail auquel il est confronté. C'est des questions typiques en matière de harcèlement, parce qu'on est dans le harcèlement ou dans des relations normales de travail. On a eu ce basculement là en 2002, quand on a reconnu juridiquement, on a défini juridiquement le harcèlement moral, le contentieux devant le podium a explosé sur les questions de harcèlement, parce que il y avait de vraies situations de harcèlement, comme des personnes qui se sont senties harcelées et qui ont pu mettre un mot sur ce qu'ils pouvaient ressentir, mais qui n'est pas forcément du harcèlement, mais qui font partie des relations typiques du travail. Et le juge devait toiletter tout ça, savoir où il en était, si cette définition-là s'appliquait, si on avait qualifié le harcèlement moral, etc. etc. Donc, des enjeux très, très, très importants. Et donc voilà, c'est une réalité qui est difficile à saisir en tant que telle, et donc il est vraiment encore plus pour le juriste et pour la discipline juridique. Il s'agit aussi de comprendre les interactions entre les dispositifs juridiques susceptibles d'être capables d'appréhender les risques psychosociaux et la manière dont les acteurs s'en saisissent. Et là, on est plus dans l'effectivité du droit de la santé et sécurité au travail. Parce que si le droit a des difficultés à définir et à appréhender juridiquement les risques psychosociaux, ça va rendre encore plus difficile l'application des dispositifs juridiques existants. Ça va poser des questions en termes de capacité des dispositifs juridiques existants pour appréhender les risques psychosociaux. Et ça va rendre encore plus difficile pour les acteurs de la santé et sécurité au travail et pour les salariés de se saisir du droit de la santé et sécurité au travail au regard des risques psychosociaux. Donc, un des enjeux qui est très fort ici est de s'interroger sur la nécessité de légiférer spécifiquement ou non sur les risques psychosociaux au travail. Est-ce que l'arsenal juridique existant est suffisant pour appréhender les risques psychosociaux, sachant qu'on n'est pas en mesure encore de les définir? Je reviendrai sur les problématiques juridiques liées à la définition des risques psychosociaux, parce que tout près de Paris, en Belgique, bien, la Belgique a choisi, le 10 avril 2014, de définir juridiquement les risques psychosociaux. Et donc c'est une expérience très intéressante à suivre, puisqu'ils ont pris le parti, voilà, de revoir la loi sur le bien-être au travail au regard d'une évaluation. C'est intéressant d'ailleurs ce que fait la Belgique là-dessus. La Belgique évalue ses dispositifs juridiques sur la santé au travail. Donc si le dispositif qui a été adopté n'est pas suffisamment efficace ou effectif ou ne répond pas aux objectifs pour lesquels ils ont été adoptés, eh bien ils vont revoir ces dispositifs-là et réfléchir à d'autres manières d'affronter le problème en droit, et c'est ce qu'ils ont fait sur les risques psychosociaux. Auparavant, ils avaient une définition de la charge psychosociale du travail. Ces définitions ne permettaient pas de répondre aux objectifs que la Belgique s'était fixés en matière de prévention des risques au travail, et ils ont décidé d'orienter la définition des questions en lien avec les risques psychosociaux directement sur une définition spécifique des risques psychosociaux. Alors, c'est intéressant parce que je ne suis pas forcément favorable à la définition juridique des risques psychosociaux, parce que pour les raisons qu'on vient de voir, ça peut être un concept mouvant. On peut avoir une approche restreinte, une approche élargie. Je vais en parler tout à l'heure. C'est une expression qui entretient une confusion entre les risques, les troubles. Alors, comment naviguer là-dedans avec des termes, des définitions juridiques qui normalement se doivent être précises et pas trop générales, et surtout organiser ce qu'on appelle la sécurité juridique pour éviter par exemple des condamnations arbitraires, etc. Sur les risques psychosociaux, c'est très difficile. Donc c'est une expérience qui est très intéressante à suivre, et voir si cette voie-là est choisie devant les tribunaux du travail en Belgique pour fonder des actions en lien avec la santé au travail. Alors je reviens ici sur bon, l'évolution du travail et ce qui doit être pris en compte en ce qui concerne le caractère et la nature du travail, c'est une source de plaisir, c'est une source de souffrance, donc ces deux aspects doivent être considérés par le droit. Le monde du travail a changé, les risques ont évolué, donc le droit doit évoluer aussi. Et ça, c'était une réponse que j'avais faite dans un article à un auteur de Paris Assas, qui avait fait un point de vue dans la revue, une tribune au Vitriol sur les risques psychosociaux dans la revue Droit Social, qui expliquait que les risques psychosociaux ne représentaient pas une réalité, mais une hystérie collective, et que c'était une... Oui, mais c'est une position de certains juristes, hein, et que c'était une affaire, notamment les affaires de suicide liées au suicide et de réparation du suicide, une affaire de gros sous pour les ayants droit. Ça leur permettait de récupérer de l'argent à travers la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, etc. Bref, c'était un texte. Et donc cet auteur-là expliquait que les enquêtes sur la violence montrent que la violence a diminué dans notre société, et donc il n'y a pas lieu pour le droit de s'inquiéter des questions qui porteraient sur des pseudo-risques. Mais cette violence a évolué, elle s'est déplacée. On n'est pas sur le même type de violence au début du XXe siècle, en 2015. Donc ça a évolué. En 20 ans, le rythme de travail s'est accéléré. Désormais, ont émergé des pratiques d'organisation du travail, la manière de les mettre en œuvre, la sécurité de l'emploi, l'introduction des technologies de l'information et de la communication, ça aussi, ça remet en cause tout un pan du droit du travail. C'est-à-dire que ces technologies ou les risques aussi, les modes d'organisation évoluent tellement vite que le droit ne peut même pas courir derrière. Donc il y a un temps qui se crée, donc c'est le juge qui, face à des situations complexes qui obligent à être créatif, finalement, c'est le juge qui va essayer de s'adapter pour saisir des enjeux de société importants avant qu'ensuite le législateur s'en saisisse. Mais c'est toute la difficulté. Mais je reviendrai tout à l'heure peut-être dans les questions. Le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée aussi, avec les nouvelles exigences de la vie moderne au travail, qui sont liées aussi au TIC. Donc ça remet en question tout un pan du droit du travail. Donc voilà, c'est ce que j'ai conclu ici. Les équilibres fondamentaux du droit du travail qu'on avait hier sont vraiment remis en question par ces nouveaux types de risques. C'est ce que je vais expliquer. Donc on a du mal, on parlait de pouvoir tout à l'heure, c'est qu'on est quand même, dans ces enjeux de pouvoir dans l'entreprise, dans des relations de travail organisées contractuellement et juridiquement. C'est encadré par le droit. Le pouvoir de direction est encadré par le droit. Et comment le droit, dans ce rapport contractuel déséquilibré spécifique au contrat de travail, va pouvoir réinjecter des dispositifs ou des outils qui vont permettre de rétablir les équilibres dans la relation de travail. Mais actuellement, l'accélération que nous connaissons bouleverse vraiment les équilibres fondamentaux du droit du travail. On en est même jusqu'à demander la suppression du CHSCT pour simplifier les choses. Donc, en ce moment, le droit est vraiment au cœur du processus et ses principes fondamentaux sont mis à mal. Donc, pour revenir à la définition des risques psychosociaux en tant que tels, assez trivialement, j'ai dit que les risques psychosociaux mettent mal à l'aise le juriste. Pourquoi ? Parce qu'il y a les difficultés de définition dont j'ai parlé, la confusion entretenue entre risque et trouble, et il renvoie à la subjectivité de la personne. Donc comment, en droit, essayer de se saisir de ce caractère-là ? C'est très difficile. On a besoin d'objectiver. Mais comment objectiver qu'il y a une personne qui est peut-être plus fragile qu'une autre, etc., donc qui sera plus à même de souffrir d'organisation. C'est vraiment très difficile. Mais en même temps, il faut faire avec, parce que les risques psychosociaux sont une réalité. Et pourquoi pas ne pas profiter de la reconnaissance des risques psychosociaux en tant que tels pour faire évoluer le droit. Parce que les risques psychosociaux mettent en lumière les liens entre organisation du travail et santé des travailleurs. Les risques psychosociaux, si vous voulez, mettent l'accent sur les risques organisationnels, sur l'organisation et sur l'approche collective de la prévention des risques d'atteinte à la santé au travail. Ce qui n'était pas encore véritablement pris en compte précédemment, ces aspects organisationnels. Ils donnent l'occasion, les risques psychosociaux, d'élargir le champ des risques professionnels. Je veux dire par là que la notion du risque professionnel telle qu'elle était historiquement conçue en droit, ça renvoie vraiment à des questions de sécurité, d'hygiène et de sécurité. Alors que maintenant, nous sommes dans les conditions de travail. Nous sommes sur la santé au travail. Et la réécriture du Code du travail en 2008 a effacé le chapitre sur, ou la partie d'ailleurs sur les risques professionnels, pour la renommer santé au travail. Donc il y a une vraie évolution. On n'est plus dans l'hygiène et la sécurité, on est dans les conditions de travail. Et on élargit au milieu de travail, voire à l'environnement de travail. Et ça renvoie à la directive du 4 du 12 juin 1989, qui dans son article 5.1 précise bien que les risques doivent être prévenus dans tous les aspects liés au travail. Donc au-delà de la santé physique, au-delà des aspects d'hygiène et de sécurité, donc je pense que c'est vraiment l'occasion pour le droit et son regard sur ces questions-là, de sortir d'une approche qui était vraiment centrée sur hygiène et sécurité, hygiène et sécurité, sécurité avec des normes, vraiment, on était dans le droit de la santé au travail, si vous voulez, et ce serait passé du droit de la santé au travail à un droit à la santé au travail. Donc il y a l'angle, la perspective d'entrée est différente. On sort des normes techniques pour préserver la santé au travail et que personne ne lit, à une préservation beaucoup plus fondamentale de la santé, de l'intégrité physique et mentale des travailleurs. Et enfin, prendre en compte la santé dans un sens global, c'est-à-dire retrouver l'humain dans la personne du travailleur. C'est-à-dire qu'effectivement, le droit n'arrive pas pour l'instant encore vraiment à faire en sorte que dans l'entreprise ou dans les organisations, ou les modes de management, on retrouve de l'humain, alors qu'on est plutôt sur les compétences et les coûts que ses compétences. Donc on a déshumanisé, si vous voulez, les relations de travail. Et comment le droit peut réinvestir au prisme des risques psychosociaux la question de l'humain dans la personne du travailleur. Alors, je vous passe encore les détails, mais c'est d'autant plus difficile pour les juristes de travailler sur les risques psychosociaux qu'en France, nous avons la particularité de faire une différence entre le droit privé du travail et le droit de la fonction publique. Alors que la directive ne fait pas de différence. Elle parle de travailleurs. Elle ne fait pas la différence entre salariés, fonctionnaires. Elle parle, les termes employés, ce sont les travailleurs. Et nous, en France, on a un régime qui encadre les relations de travail différents, suivant que nous sommes dans le privé ou dans la fonction publique. Et encore, à l'intérieur de la fonction publique, vous avez différents statuts qui rendent encore la difficulté plus importante. Donc, nous avons un nombre, beaucoup de définitions disponibles sur les risques psychosociaux, des définitions qui ont aussi évolué en fonction des expériences acquises, en fonction des recherches qui ont été menées, mais on n'a toujours pas résolu, nous juristes, la question de l'objectivation des risques psychosociaux. Faut-il intégrer, des indicateurs dans la définition des risques psychosociaux? former davantage les juges à s'approprier les expertises sur les risques psychosociaux. C'est un élément important parce que sur la jurisprudence en lien avec les risques psychosociaux, notamment quand le juge s'est immiscé dans le pouvoir de direction de l'employeur pour faire refaire ou annuler des projets d'organisation du travail, la Cour de cassation utilise, enfin les juges en manière générale d'ailleurs, utilisent les rapports d'expertise pour argumenter leur position. Donc c'est un élément important parce que est-ce que les juges sont compétents pour comprendre la portée d'un rapport d'expertise et s'en servir comme argumentation à une décision juridique d'une immense portée. Et la question derrière, c'est que les risques psychosociaux, pour l'instant, ne relèvent d'aucune catégorie juridique spécifique. Il n'y a pas de définition juridique des risques psychosociaux. Ça veut dire que si on n'en fait pas une catégorie juridique, il n'y a pas de reconnaissance légale ou juridique des risques psychosociaux en tant que tels. Donc, il faut s'appuyer sur les catégories juridiques existantes et qui pourraient s'appliquer aux risques psychosociaux en exploitant l'arsenal juridique existant, voire, pourquoi pas, de les toiletter. Je ne sais pas, un exemple typique, c'est la confrontation du droit d'alerte aux risques psychosociaux, la confrontation du CHSCT aux risques psychosociaux. Comment on peut arriver à faire évoluer ces dispositifs, ces outils, ces instruments au regard des risques psychosociaux, parce que, en reprenant les termes d'un collègue francais, d'un collègue nantais, l'exercice d'une activité professionnelle ne doit pas concourir à une dégradation de l'état physiologique de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'arsenal juridique dont nous disposons actuellement va nous aider à rétablir les rapports de force en matière de santé au travail dans l'entreprise, mais aussi à revenir à des fondamentaux. Et on revient à la question du pouvoir tout à l'heure sur laquelle on avait terminé la matinée. L'employeur a un rapport d'autorité sur le salarié. C'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Donc, le contrat de travail est un contrat déséquilibré. Vous prenez les autres contrats civils, vous avez un rapport d'égalité. C'est-à-dire que le contrat ne doit pas être déséquilibré, sinon il est nul. Chaque contractant ou co-contractant doit avoir les mêmes obligations, enfin pas les mêmes obligations, mais des obligations équilibrées qui se répondent. Alors qu'ici, ben non, vous avez quelqu'un qui a une autorité sur une autre. Une personne qui a une autorité sur une autre personne. Et à travers ce lien d'autorité qui va lui priver d'un certain nombre de libertés. Liberté d'aller et venir, la liberté sur son temps, la liberté de se vêtir. Parfois, quand le travail nécessite le port d'un uniforme, le port de blouse, etc. Donc on est vraiment dans un contrat, dans une relation contractuelle qui est très particulière et vraiment déséquilibrée. Mais, en revanche, ce n'est pas parce que vous êtes sous l'autorité de quelqu'un d'autre que c'est quelqu'un d'autre est en droit de porter atteinte à votre santé. Donc l'employeur, à travers son obligation contractuelle de sécurité, pourquoi on parle d'obligation contractuelle de sécurité ? C'est parce qu'il est débiteur de la santé de ses salariés, donc il a la responsabilité. Le droit à la santé. Ou sur un autre plan, le droit à la dignité. Eh bien, vous ne les laissez pas au vestiaire quand vous rentrez quand vous franchissez la frontière de l'entreprise. Vous ne les mettez pas de côté quand vous entrez dans une relation contractuelle de travail. Parce que ces droits à la santé, le droit à la dignité, sont des droits fondamentaux. On dit qu'ils sont inaliénables. Donc, à partir de là, on ne peut pas, si on peut comparer aussi avec la médecine, etc., c'est qu'on ne peut pas porter atteinte à votre intégrité, ce que je veux dire, c'est que les conditions de travail ne doivent pas dégrader votre état de santé. L'employeur doit faire en sorte, en tant que débiteur de la santé du salarié, que ce salarié reste en bonne santé, que sa santé ne soit pas dégradée à cause de son travail. Par ailleurs, en France, à travers le travail des juges, nous conjuguons des tentatives de prévenir les risques psychosociaux avec l'obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire qu'en 2002, on a retrouvé un caractère de résultat à l'obligation de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi ça rend l'exercice très difficile dans l'entreprise de prévenir les risques psychosociaux finalement ? C'est que les juges reconnaissent, suivant le point de vue que nous avons, soit une responsabilité sans faute, soit une responsabilité dès lors que le risque se réalise. Cela signifie, à contrario, que dès lors que le risque se réalise, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires ou adaptées pour l'éviter. Donc le risque lié au travail ne doit pas se réaliser dans l'entreprise, ne doit pas se réaliser sous la subordination de l'employeur. C'est une obligation de résultat. Le risque ne doit pas se réaliser. Alors que si nous étions sur le terrain de l'obligation de moyens, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour éviter la réalisation du risque. Si le risque se réalise et qu'effectivement l'employeur a tout mis en œuvre pour l'éviter, il s'exonère de sa responsabilité. Ce n'est pas le cas en France. En France, l'employeur est responsable dès lors que le risque lié au travail se déclenche, survient. Et c'est lié aussi, pour tout dire, la reconnaissance de l'obligation de sécurité et de résultat, enfin du caractère de résultat à l'obligation de sécurité, est très liée avec la redéfinition de la faute inexcusable de l'employeur pour ouvrir une réparation complémentaire sur le volet droit de la sécurité sociale. Quand on est sur les questions d'obligation de sécurité, on a aussi une passerelle qui se construit très vite, qui se fait très vite avec le droit de la sécurité sociale. Donc vous voyez que quand on est face à des risques tels que les risques psychosociaux, quand on conjugue l'obligation de sécurité de résultat et l'obligation de prévenir les risques psychosociaux, l'exercice devient très difficile. Encore plus quand ces risques ne disposent pas d'un régime juridique propre. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que les caractères inhérents aux risques psychosociaux rendent vraiment difficile, voire périlleux, la tentative de catégorisation juridique. Et si on les confond aussi, et là plus sur le droit de la sécurité sociale, sur les questions de causalité entre le travail et l'état de santé. Parce que là aussi, quand on parle de risques psychosociaux et qu'on approche ces questions-là à travers la dépression, à travers le suicide, les tentatives de suicide, eh bien, on est dans des zones où il est difficile de délimiter si la cause est le travail ou personnel. Or, à travers l'obligation de sécurité de résultat, on va dire que on va reconnaître la responsabilité de l'employeur même si le travail n'est pas la cause essentielle du risque psychosocial, du trouble, enfin, de la dépression, du suicide. Mais on va reconnaître le lien avec le travail parce que ça s'est déclenché sous l'autorité de l'employeur, pendant l'exercice du lien de subordination. Donc ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'employeur est débiteur de la santé de ses salariés. D'accord ? Et le problème, effectivement, c'est qu'ici, on est dans une identification qui est difficile encore pour le juriste, et il n'intervient finalement toujours trop tard, une fois que les risques sont réalisés. Alors, on est dans un paradoxe, puisque le juge, à travers l'obligation de sécurité de résultat, il ne veut pas sanctionner constamment les employeurs, c'est pas l'idée. C'est de les pousser à prendre les mesures nécessaires et adaptées à la prévention de tous les risques liés au travail pour la santé. Mais ici, comme on a un problème d'objectivation, le juge a des difficultés à se situer, enfin le droit même, à se situer sur la prévention et approche les risques psychosociaux beaucoup plus facilement à travers les mécanismes de réparation, en qualifiant et en objectivant le dommage. Cette fois-ci, le dommage, lui, est beaucoup plus facilement objectivable que le risque lui-même. Distinguer les conditions normales ou pathogènes de travail. Ça renvoie un peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur les questions de délimitation des risques psychosociaux, mais aussi de délimitation de la portée de l'obligation de sécurité de résultat. Faut-il mettre constamment à défaut l'action de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail, ou faut-il l'inciter à prendre en considération l'humain dans le travail et à prendre des mesures de sécurité adéquates? Je le répète, le juge, je suis allé les interroger, les juges de la chambre sociale, ils ont une espèce de doctrine, si vous voulez, ou des doctrines de président de chambre, c'est inciter à prendre des mesures de prévention adéquates, et avec derrière, et ça renvoie à l'importance du travail dans la vie de la personne, pour la personne, préserver l'emploi de la personne. Parce que quand la personne est malade, ça ouvre des portes à la rupture du lien avec le travail. Alors l'objectif des juges et de ce type de jurisprudence est aussi de sauvegarder le lien entre le salarié et son emploi. Derrière ces questions, il marche aussi celle de l'adaptation du travail à l'homme. C'est une approche, un concept qui remet en cause un certain nombre d'organisations, mais qui est un principe fondamental inscrit dans la directive du 12 juin, dans la directive 4 du 12 juin 1989, et qui est reprise dans le code du travail français. Donc à la fois les employeurs doivent garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects du travail, mais aussi il doit respecter le principe de l'adaptation du travail à l'homme, ce qui s'oppose à certaines logiques et méthodes gestionnaires, ce qui fait entrer les risques psychosociaux, la question des risques psychosociaux, dans une dimension conflictuelle. Parce que dès qu'on parle de risques psychosociaux, ça va renvoyer à la manière de gérer, de manager, et ça renvoie donc à des questions vraiment conflictuelles. Pour revenir à la directive 4 de 89, c'est un point important parce que la Chambre sociale, pour rendre ses arrêts du 28 février 2002 et la reconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat, la redéfinition de la faute inexcusable de l'employeur, le 28 février 2006, la date n'a pas été choisie par hasard, donc 4 ans après les arrêts amiantes au jour près, donc la Chambre sociale a rendu l'employeur responsable de l'effectivité de la mise en œuvre de l'obligation de sécurité de résultat. Elle a vraiment enfoncé le clou. Elle s'est fondée sur la directive de 89. C'est-à-dire que le visa de ces arrêts-là est le suivant. À la lumière de la directive K du 12 juin 1989, et blablabla, la Cour de cassation énonce son principe et son... Elle réitère l'obligation de sécurité de résultat, et elle réitère même aussi que l'employeur est en charge de l'effectivité de la mise en œuvre de l'obligation de sécurité, mais qu'également le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat peut entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui aurait dû avoir connaissance du danger, mais il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés. Vous voyez comment on a accroché l'obligation de sécurité de résultat, redéfinition de la faute inexcusable, et à la lumière de la directive du 12 juin 1989, donc ça en fait vraiment une obligation lourde. Maintenant, on n'a plus besoin de se fonder sur la directive de 89, mais parce que c'est entré dans les esprits, dans l'esprit du droit, sur l'obligation de sécurité de résultat. Mais au regard des risques psychosociaux, au besoin, si le juge considère que les directives communautaires, droit communautaire, n'est pas suffisamment bien transposées en droit interne, eh bien, on peut faire valoir devant le juge le texte communautaire en lui-même. même s'il a été transposé, il n'a pas forcément été bien transposé. Et si ces transpositions ne correspondent pas à l'essence ou à l'esprit de la directive de 89, on peut le faire valoir devant le juge. C'est comme ça que le juge donc justifie son approche de l'obligation de sécurité. Comment il l'applique après sur les questions en lien avec la santé physique et mentale. Les risques psychosociaux ne sont pas une catégorie juridique, mais certains facteurs sont identifiés et bien identifiés juridiquement, et le plus connu est le harcèlement moral. Il y a eu un basculement en 2002, c'était une année très importante en santé au travail, puisqu'il y a eu les arrêts amiantes, obligation de sécurité de résultat, redéfinition de la faute inexcusable de l'employeur, mais également, à travers la définition juridique du harcèlement moral, on a reconnu la santé physique et mentale. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait simplement que définir juridiquement le harcèlement moral, on l'a accompagné de dispositifs juridiques ou des outils pour lutter contre le harcèlement moral. Donc qu'est-ce qu'on a introduit dans le Code du travail ? Eh bien que la santé avait un volet physique et mental et que l'employeur était en charge de la préservation de son intégrité. On a intégré cette faculté-là dans les compétences du CHSCT, dans les compétences du médecin du travail et dans le droit d'alerte du délégué du personnel. On a introduit aussi l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. C'est un principe civiliste, donc dans le code civil. Le contrat de travail est un contrat civil, donc il est soumis à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Mais en matière de harcèlement moral et plus largement en matière de protection contre les risques pour la santé, eh bien on a souhaité le rappeler avec force dans le code du travail, et notamment en direction des employeurs, pour leur dire attention, hein, vous êtes débiteur de la santé de vos salariés, donc dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, eh bien, il ne doit pas y avoir de harcèlement moral dans votre entreprise, il ne doit pas y avoir de harcèlement sexuel dans l'entreprise, il ne doit pas y avoir de risques psychosociaux dans l'entreprise, etc., etc. Cependant, avoir défini juridiquement le harcèlement moral a biaisé l'approche juridique des risques psychosociaux. Pourquoi ? Et c'est intéressant parce qu'on peut en parler dans les autres pays qui aimeraient définir juridiquement le harcèlement moral. Avoir défini juridiquement le harcèlement moral a cristallisé le débat social et le débat juridique autour du harcèlement moral. Mais tout n'est pas du harcèlement moral. Et le harcèlement moral ne représente pas à lui seul les risques psychosociaux. Et le harcèlement moral, et la définition juridique du harcèlement moral, ne définit pas juridiquement les risques psychosociaux. Donc ça a vraiment biaisé le débat, si bien qu'on est arrivé à une cour de cassation, devant laquelle, systématiquement, parce que c'est devenu très à la mode, hein, l'article 152.1 du Code du travail pour les avocats, de constamment soulever comme moyen juridique, voilà, il y a harcèlement moral, on a objectivé les causes de harcèlement moral, etc., etc. Il n'y a que, un, le juge qui doit qualifier, et deux, comme on soulevait toujours devant la Cour de cassation le harcèlement moral, on a fait évoluer la définition du harcèlement moral, qui était très générale au Code du travail, jusqu'à reconnaître le harcèlement moral sans intention malveillante, et à reconnaître ce qu'on a appelé le harcèlement managérial, dans deux arrêts du 10 novembre 2009. Alors là-dessus, j'avoue être réservé sur cette approche-là. J'ai à nouveau rappelé le conseiller à la Cour de cassation, mais c'est quoi ça, cet arrêt, c'est pas possible, vous élargissiez trop, ça correspond plus, on n'est plus dans le cadre initial du harcèlement moral. Mais c'est vrai que la définition aborde les effets et l'objet du harcèlement moral. Alors si on est dans l'objet du harcèlement moral, l'objet est de porter atteinte, hein, ou de faire souffrir, de dégrader l'autre personne. En revanche, si on est sur des effets, effectivement, l'effet de certaines méthodes de management pourrait s'apparenter à la définition juridique du harcèlement moral. Dégradation de la santé physique et mentale, compromettre l'avenir professionnel, atteinte de la dignité de la personne. Mais, on est vraiment dans une approche individuelle, alors que sur le terrain des risques psychosociaux, on est dans une approche collective, organisationnelle des risques de la santé au travail. Donc là aussi, ça fausse le débat, parce que ce n'est pas parce qu'on reconnaît un harcèlement dit managérial qu'on est sur, entre guillemets, du harcèlement collectif. Non, la Cour de cassation a bien précisé et a bien veillé le 10 novembre 2009 à montrer que c'est une le harcèlement s'inscrit dans une relation individuelle, interpersonnelle. Donc elle va condamner certaines méthodes de gestion, c'est l'expression utilisée par la Cour de cassation, mais qui vise une personne en particulier. Donc on est toujours dans l'individuel, on n'a pas réglé la question des risques psychosociaux qui s'inscrit sur l'aspect organisationnel. On parle de méthodes de gestion, mais qui visent une individualité et pas le collectif de travail. Après, la Cour de cassation, dans des arrêts d'espèce, a fait plein d'exemples. En mars 2010, par exemple, elle est qualifiée de harcèlement moral managérial un patron qui demande à sa secrétaire d'être plus productive en lui envoyant 30 mails par jour pendant 2 ans, en la faisant travailler le week-end, etc. C'est une méthode des méthodes de management qui sont qualifiées de harcèlement, mais qui visent une personne. Donc on n'est pas sur l'aspect collectif ici. On est toujours sur l'individuel. Donc ça fait remonter en fait l'approche des risques psychosociaux à travers l'obligation de prévention, l'article 4121.1, qui oblige l'employeur à prévenir les risques d'atteinte à la santé physique et mentale. Point. On est sur le cadre général. On n'est pas obligé de dire ça c'est du harcèlement, ça c'est du stress au travail, que sais-je, ça c'est de la violence. On est sur le général. Et donc, obligation générale de prévention, obligation de sécurité de résultat, dès lors qu'un risque lié au travail, un risque pour la santé lié au travail s'est réalisé, l'employeur est responsable. On n'est pas obligé de qualifier le harcèlement, de qualifier la violence, de qualifier le stress, de qualifier certaines méthodes de management. On élargit le prisme au milieu de travail, au collectif et à l'environnement. Et c'est ce qu'a fait la Cour de cassation le 3 février 2010, où là, pour reprendre les questions de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, la Cour de cassation ne se fonde pas sur les articles définissant juridiquement le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, mais se fonde directement sur l'obligation générale de prévention. On élargit pour pouvoir prendre en compte les risques psychosociaux. Sinon, si on passe toujours par le prisme du harcèlement moral, ce n'est pas juridiquement juste. Alors j'ai fait quelques diapos de résumé. Je suis à combien là, de peut-être dépasser. Quelques minutes, beaucoup plus. Alors, ce sont des diapos en guise de conclusion. Hein. Vous avez compris la difficulté pour le juriste de définir les risques psychosociaux. Ça me met vraiment mal à l'aise. En droit, je pense qu'il serait même dangereux, de dire les risques psychosociaux, c'est ça. Vous entrez dans la case, vous n'y rentrez pas. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux remonter le débat sur l'obligation générale de prévention. Mais en même temps, ça nous fait réfléchir sur l'évolution du travail, sur l'évolution des organisations, sur l'approche même de la prévention. Passer de l'individuel, du collectif, à l'organisationnel. Ça nous permet de dépasser la question, l'aspect risque professionnel, pour aller sur les conditions de travail, environnement de travail, milieu de travail, santé au travail, et aussi de sortir de l'ornière, c'était une ornière, du harcèlement moral. Je me permets une petite aparté, vous savez que Didier Lombard, l'ancien président de France Télécom, et deux de ses directeurs ont été mis en examen pour harcèlement moral, au pénal. Le dossier est bouclé, je ne sais pas encore s'ils sont renvoyés en correctionnel ou pas, mais en tout cas le dossier l'instruction est bouclée, mais l'instruction est bouclée sur le harcèlement moral. Et je suis très... ça me laisse assez dubitatif, parce que j'aurais pensé que le fondement juridique qui aurait été le plus approprié aurait été la mise en danger de la vie d'autrui. C'est ce qui avait d'ailleurs été recommandé par l'inspectrice du travail de l'époque et par le syndicat Sud qui avait poursuivi. Mais j'ai peur, je vous l'ai dit, ça renvoie à l'individuel. Juridiquement, ça renvoie à l'individuel. Je ne vois pas la chambre criminelle se distinguer de la chambre sociale. Point. À moins qu'ils entrent dans une confrontation directe, mais pour l'instant la chambre criminelle était très sage et a vraiment circonscrit le harcèlement moral déjà au travail. La définition du harcèlement moral a été introduite dans le code du travail de manière sans délimitation, donc c'est le harcèlement moral en général, alors qu'il avait été pensé pour le travail. Donc les juges sont restés sur le travail et donc c'est la grande question que je me pose. Comment juridiquement on va s'en sortir si le fondement juridique n'est pas forcément celui qui est adapté hein, en termes de responsabilité pénale. Alors pour revenir sur le sujet principal, les risques psychosociaux ont vraiment permis de remettre en question l'approche traditionnelle que nous avions des risques professionnels et qui n'était plus adaptée à la réalité actuelle du travail. Depuis qu'on parle de risques psychosociaux, le droit de la santé au travail a connu une accélération considérable, hein, dans le même mouvement que la reconnaissance de l'obligation de sécurité de résultats. Et par ailleurs, si, comme je vous l'ai dit, certains dénoncent le coup représenté par la réparation du suicide, par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'est pas pour autant désavantageux de privilégier une politique de prévention qui fonctionne et qui évite aussi une mauvaise image pour l'entreprise. Alors envisager, oui, alors peut-être, je ne sais plus combien j'ai de diapositives. Donc, les risques psychosociaux en droit, oui, pour envisager une prévention à l'échelle collective. Ça nous a vraiment poussé à réfléchir sur le rôle du CHSCT, à impliquer tous les acteurs de l'entreprise dans la santé au travail, à reconnaître les volets physiques, le volet physique et le volet mental de la santé au travail. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que c'était vraiment pas la réalité jusqu'à 2002 et après. Hein. Il a fallu que le juge enfonce le clou, explique. Voilà, en effet, si vous voulez... juridiquement, nous sommes tous une personne avec une personnalité physique, une personnalité morale, un corps, un esprit. Mais qu'est-ce qui est l'objet du contrat de travail? Est-ce que c'est le corps du travailleur? Est-ce que c'est sa prestation de travail? Est-ce que c'est son esprit? Ou est-ce que c'est aussi sa personne dans son entier qui permet de réaliser la prestation de travail au profit de l'employeur, de l'entreprise et de la société? Oui, c'est la personne dans son entier qui est engagée dans la relation de travail. Donc, dès lors que la personne physique et mentale est engagée dans la relation de travail, eh bien, le droit doit aussi s'exercer sur la protection de la santé mentale des travailleurs. Donc le rôle du CHSCT, oui, on pourra en parler tout à l'heure. Le rôle des syndicats est à souligner aussi ici, parce que la confrontation des syndicats aux risques psychosociaux n'est pas ou n'a pas été évidente. Mais ça rentre dans la défense de l'intérêt collectif de bénéficier de conditions de travail acceptables que de faire appliquer le droit de la santé et sécurité au travail. Or, ici, l'action syndicale est confrontée à un véritable défi, parce qu'il y a aussi d'autres défis plus traditionnels qui sont les salaires, l'emploi, le temps de travail, et le conjuguer avec les questions de santé, mais aussi maintenant, à côté des aspects militants et des expériences militantes, il y a l'expérience un peu plus juridique. Hein, c'est une évolution aussi peut être importante, à travers la santé au travail. C'est que les premiers arrêts qui ont été rendus très importants sur les risques psychosociaux et les organisations du travail, comme l'arrêt Sneckman du 5 mars 2008, où le juge va s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur et lui dire « Attention, ce projet-là est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs, donc il faut le revoir. » Et après, on allait plus loin chez les juges du fond. Mais c'est parce que ce sont les syndicats qui sont allés porter l'affaire en justice. Ce n'était pas le CHSCT. Alors que le CHSCT a la personnalité morale et peut très bien poursuivre l'employeur pour le non-respect des conditions de travail ou du respect du droit du travail. Donc ce sont les syndicats qui ont fait aussi, qui ont aidé à faire évoluer l'approche jurisprudentielle de la santé au travail. Et ce qui fait également, dans des cas, que la jurisprudence offre un levier qui est utilisable comme moyen d'argumentation dans les négociations. Ce n'est pas encore utilisé c'est plus utilisé dans un mouvement de négociation ou de pression. C'est pas encore dans la culture française que d'aller systématiquement en justice pour faire appliquer le droit de la santé au travail. Mais le fait que, malgré tout, à travers l'action du syndicat, de faire respecter le droit de la santé au travail en matière d'organisation du travail, ça permet aussi de développer des leviers juridiques et des leviers de pression dans les négociations sur les conditions de travail. Donc, envisager une prévention à un niveau collectif au prisme des risques psychosociaux concernant tous les acteurs de l'entreprise, mais aussi ceux à l'extérieur du travail. Donc, juridiquement, les questions de risques psychosociaux et définition viennent impacter le rôle de l'inspection du travail, des services de prévention des risques professionnels, des CARSAT, des organismes compétents en santé et sécurité au travail. Et tout le monde doit être mis à contribution pour dépoussiérer ce concept de risque professionnel. Considérer tous les aspects en lien avec l'exécution du travail, et là j'ai repris les termes de Catherine Lippel, montrer qu'il existe des liens étroits entre l'obligation de réparer les dommages causés par l'exposition aux risques psychosociaux, les coûts qui y sont associés et la mise en œuvre de mécanismes légaux pour assurer une meilleure protection de la santé mentale des salariés. Il s'agit de passer de la réparation à la prévention. On a encore beaucoup de difficultés sur ce terrain-là, en lien avec les difficultés induites par les caractères des risques psychosociaux pour le droit. La question est d'envisager de régler les problèmes à la source, en prévention primaire, et de sortir de cette logique de prévention secondaire ou tertiaire qui vise plutôt l'adaptation du travailleur à ses conditions de travail, alors qu'on est dans une perspective d'adaptation du travail à l'homme. Il s'agit pour le droit d'impliquer au besoin la responsabilité des méthodes de management et de l'organisation au travail dans l'apparition des risques psychosociaux. Et donc on commence à s'intéresser aux restructurations d'entreprises, on commence à s'intéresser aussi à des méthodes de management bien définies comme le benchmarking, où vous avez des arrêts assez célèbres maintenant, comme le tribunal de grande instance de Lyon qui a supprimé la mise en œuvre d'une organisation de benchmarking dans des agences bancaires, caisses d'épargne en Rhône-Alpes, ou alors les arrêts FNAC qui ont annulé les plans de restructuration qui privaient les magasins de toutes les fonctions support, communication, gestion du personnel et comptabilité, parce que ces organisations sont susceptibles de porter atteinte à la santé. Donc au nom de la santé, au travail et des travailleurs, le juge va s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur. Donc ça renvoie encore à la question du pouvoir de tout à l'heure pour essayer de rétablir ces rapports de force. Et donc en somme, voilà pour conclure, l'objet des risques psychosociaux au travail, je le répète, ce n'est pas en droit de condamner, mais c'est vraiment d'inciter les entreprises à prendre en matière de santé et sécurité au travail les mesures nécessaires et adaptées à un contexte économique et organisationnel qui a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Mais ça ne passe pas forcément par une définition juridique stricte des risques psychosociaux. Je vous remercie.